regard me fait fondre. Juste quelques secondes accompagné de cette jolie fille. Je me sens comme une colombe qui se décroche de son fil. Je rêve d'un avenir avec cette fille à mes côtés. Je guette quand elle va venir car toutes les heures je vais les compter. À mes yeux c'est un saphir bien plus précieux que leur argent. Être heureux n'est pas un crime, on dirait que si apparemment, apparemment. J'aime ton regard, j'aime ton rire. Quelques heures dans le noir, avec toi je le désire. J'aime ta voix, j'aime tes yeux. Tu es douce comme de la soie, t'embrasser me rend heureux. J'aime ton regard, j'aime ton rire. Quelques heures dans le noir, avec toi je le désire. J'aime ta voix, j'aime tes yeux. Tu es douce comme de la soie, t'embrasser me rend heureux. Ok, dédicacé à tous les Roméo. À tous les gros lovers, hein, pour une fois, on va pas s'abstenir. D.A.L. Si je chante cette musique, c'est que au fond tu me plais vraiment. J'ai pas la fleur au fusil, mon amour est grandissant. Je te veux à mes côtés et te perdre serait échoué. Je pense même pas à te sauter, je veux seulement t'accompagner. De toute façon, tout le monde le sait que je te kiffe depuis bébé. Tu enlèves mes nuages, tu es de toute beauté. Mais comment tourner la page quand celle-ci est déchirée? Je te veux à mes côtés pour diable s'en aille enfin. L'amour a son beauté, je te raconte pas car c'est sans fin. Je suis en apesanteur quand ta bouche rafle la mienne. Je suis pas un imposteur, ce ne sont que tes histoires anciennes. Je te veux à mes côtés pour que mes problèmes s'en aillent enfin. J'ai su bien t'accoster, mais notre histoire touche à sa fin. J'aime ton regard, j'aime ton rire. Quelques heures dans le noir, avec toi je le désire. J'aime ta voix, j'aime tes yeux. Tu es douce comme de la soie, t'embrasser me rend heureux. J'aime ton regard, j'aime ton rire. Quelques heures dans le noir, avec toi je le désire. J'aime ta voix, j'aime tes yeux. Tu es douce comme de la soie, t'embrasser me rend heureux.